Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Simon Bestel. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour la quatrième saison du podcast, les 2030 Glorieuses sont à nouveau soutenues par la NEF, qui est la banque des 2030 Glorieuses. Pour rappel, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et moi, c'est un partenariat évidemment qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, en parlant de personnes inspirantes, je vais redonner la parole à Simon. Simon, toi, tu es le cofondateur de FEV, l'acronyme de Ferme en Vie, qui est une foncière solidaire qui mobilise de l'épargne citoyenne pour acheter des fermes appelées à disparaître et qui, du coup, met à disposition ces fermes à la nouvelle génération. Mais pas que, et ça, on en reparlera ensemble. Nous allons donc évoquer des sujets autour de la souveraineté alimentaire, de la transmission et plus généralement de moi, ce que j'appelle l'économie du vivant. Pour commencer cet échange, Simon, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de, des interviews. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent ce que tu fais dans la vie? Tu sais, tu rencontres quelqu'un à une soirée, par exemple, et puis arrive cette question fatidique. Alors toi, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi, toi? Effectivement, c'est une question un peu compliquée, surtout en fonction de qui la pose. Moi, je dis que j'essaye de sauver la planète en premier lieu. Bon, c'est un peu, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est fondamentalement ce que j'essaye de faire, en tout cas d'y contribuer. Et en s'attaquant à une problématique qui me semble critique, c'est la transition de l'agriculture française, mais j'espère un jour européenne, vers des modèles beaucoup plus vertueux, en ce qu'on appelle l'agroécologie. Mais j'imagine qu'on y reviendra. Sauver la planète, tu y vas un peu fort, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Souvent, dans le milieu écolo, on dit que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle existe avant l'humanité, elle existera après l'humanité, non? Oui, complètement. Ça, c'est tout à fait vrai. Après, effectivement, c'est sauver la planète d'un point de vue, de l'homme. Donc, la maintenir vivable pour l'humanité. Et effectivement, c'est ce que je dis. C'est sans doute très présomptueux de dire sauver la planète. Mais en tout cas, essayer de maintenir des conditions favorables à la vie humaine sur cette planète et à la biodiversité de manière générale. Oui, bien sûr. Et puis je te titille, hein, parce que je sais bien que toi, en plus, avec ce lien avec l'agroécologie, t'as cette vision du vivant et de sa complexité. Je pense que la planète aussi, pour toi, c'est tout ça. Oui, complètement. On s'arrête encore un tout petit peu, si tu le veux bien, Simon, sur cette idée d'intitulé de mission, parce que là, tu vois, comme 95%, je n'ai pas fait exactement les stats, mais ça doit être à peu près l'ordre de grandeur, des personnes que j'interviewe, tout de suite, elles embrayent sur forcément leur métier. Moi, tu me diras, c'est aussi un peu le brief qu'on fait au départ, c'est l'objectif des 2030 Glorieuses, on est là pour parler des métiers de demain, donc je pense que j'oriente très clairement à travers ce podcast et son objectif, la réponse des personnes à qui je donne la parole, et à la fois, je trouve quand même que c'est assez représentatif de notre société, de notre construction sociale, individuelle. On existe beaucoup à travers notre métier et malheureusement j'ai l'impression qu'on les intitule mal ces métiers, qu'on les classe mal, qu'on les catégorise mal, notamment parce que j'aime bien aller fouiner un peu sur LinkedIn pour voir les intitulés que mes invités se donnent et on tombe souvent dans le piège un peu américain, peut-être que c'est un raccourci de ma part, mais de dire qu'on est cofondateur, cofondatrice, ou je sais pas. Et là, en l'occurrence, toi, avec Fève, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est ton cas. Si on devait se départir de cette logique LinkedInienne, pour le dire comme ça, et que plutôt que de dire comment tu fais, de dire vraiment à quoi tu contribues. Si on devait renommer ton métier, comment tu le renommerais? Moi, j'ai bien des idées. Hein. Je me disais, tu as participé à créer une foncière solidaire. Donc, est-ce que tu es un accélérateur de souveraineté alimentaire? Est-ce que tu es un facilitateur d'accès à la terre? Comment toi, tu le dirais? En fait, ça, c'est une super question. Hein. J'adore parce que typiquement, quand on essaie de recruter des gens, comme tous nos métiers chez Fève, n'existe pas ou quasiment pas aujourd'hui. On a beaucoup de mal à trouver des intitulés qui y parlent. Donc, c'est, je trouve, une question extrêmement pertinente. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Je pense qu'on l'a déjà un peu défini dans nos statuts et c'est comme ça, en tout cas, moi, que je le perçois. Moi, je suis un accélérateur, effectivement, de la transition agroécologique. En tout cas, c'est vraiment ma vocation et je suis là pour ça. Comment faire pour que le monde agricole, le milieu agricole et les acteurs de l'agriculture aujourd'hui aille beaucoup plus vite vers ce modèle vertueux et l'agroécologie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, Simon, si tu le veux bien. J'en ai parlé à deux reprises. Vous avez donc créé cette foncière solidaire. C'est quelque chose qui consiste à aider les porteurs de projets agricoles à financer l'acquisition de leur ferme grâce à un mécanisme de location avec option d'achat. C'est ce que j'ai vu sur votre site internet. Est-ce que tu peux m'expliquer à gros traits, pour commencer, le fonctionnement de FEV, sa mission, et peut-être me décrire là les quelques années d'expérimentation que vous venez de mener? Ouais. Alors, peut-être juste en quelques mots, pourquoi on fait ça? Pourquoi on aide à financer ces installations? Parce que quand un jeune s'installe, et c'est souvent des jeunes qui veulent faire de l'agroécologie et reprendre des exploitations agricoles, on n'a juste pas les moyens de reprendre une ferme qui coûte 500 000 euros, 800 000 euros, 1 million d'euros, voire plus. Parce que des terres et des bâtiments, plus du matériel, plus du cheptel, l'investissement est de cet ordre-là. Donc évidemment, un jeune qui s'installe, s'il n'hérite pas de la ferme, c'est très très compliqué. Donc on s'est dit que la première action qu'on devait avoir pour accélérer cette transition, c'était aider le financement de ces reprises d'exploitation. Et donc on a créé une foncière solidaire donc qui lève de l'argent auprès des citoyens, donc de toi et moi. Plus on commence de quelques institutionnels, style une banque des territoires, pour financer l'acquisition de fermes qui nous semble intéressante, avec un potentiel agroécologique intéressant, qu'on va ensuite louer par bail rural, donc c'est un type de bail qui existe aujourd'hui dans le milieu agricole, mais avec des clauses environnementales qui, si elles sont respectées, permettent aux porteurs de projets, quand ils le souhaitent, de racheter la ferme à un prix prédéterminé et assez attractif pour éventuellement s'installer de manière définitive. Mais c'est une sorte de portage, de financement anticipé pour permettre une installation pérenne de jeunes qui ont un projet agroécologique. Ouais, on connaît de plus en plus ce type de mécanisme financier, hein, avec le financement participatif, le crowdfunding qui recoupe un tout petit peu, pardon, c'est un raccourci rapide, mais cette idée de dire, on a une communauté de personnes qui met au pot commun pour accéder à l'accélération d'un financement, du développement d'un produit, ou là, en l'occurrence, de l'acquisition de terres. On va peut-être revenir un tout petit peu sur ce format après, mais tu as commencé à dire pourquoi c'était important et toi, tu l'as pris avec l'angle financier. Tu dis qu'effectivement, ça coûte cher. Et donc, cette transmission, si elle n'est pas faite par la filiation héréditaire, j'allais dire, elle est compliquée. J'ai l'impression que c'est quand même un enjeu qui dépasse cette simple question financière. Je me permets juste de donner quelques chiffres et j'aimerais bien que tu peut-être les complètes, parce qu'on a peut-être besoin d'avoir un panorama un peu de l'agriculture en France. On se rend peut-être pas compte à quel point la situation, elle est quand même mal embarquée, pour le dire gentiment. J'ai trouvé ces deux, trois chiffres-là parce qu'il y avait La Croix qui a fait un récapitulatif en apportant cinq chiffres à l'occasion des dernières évolutions et des prises de parole, notamment d'Elisabeth Borne. Et ces chiffres sont ceux-ci. La France compte actuellement 390 000 fermes, d'après le ministère de l'Agriculture. C'est 100 000 de moins qu'il y a 10 ans. Et ça correspond à une baisse de production, mais aussi à une concentration en fait accrue des terres. La surface moyenne d'une ferme est aujourd'hui de 69 hectares, c'est ce que j'ai lu, contre 55 hectares en 2010 et moins de 20 hectares en 1970. Et d'après les chiffres les plus récents, au niveau de l'emploi aussi, on a 759 000 personnes qui occupent un emploi permanent dans le secteur agricole. Et c'est un chiffre qui, lui aussi, est en baisse. On parle d'une diminution de 12% entre 2010 et 2020. Et il y a près de 60%, et ça, je trouve aussi que c'est intéressant, et tu vas sans doute en parler, 60% des chefs d'exploitation et des co-exploitants qui ont 50 ans ou plus. Et donc, on imagine bien que ça veut dire des personnes qui vont partir potentiellement à la retraite dans les décennies ou même dans la décennie à venir. Est-ce que tu peux, toi, avec ta vision, ton expérience, ta présence régulière sur le terrain, peut-être complexifier encore un peu cette vision d'une agriculture qui semble un peu à bout de souffle, hein? Alors déjà, je confirme tous ces chiffres, hein. C'est effectivement des chiffres très officiels et qui représentent bien ce qu'on constate nous sur le terrain. En fait, tout est lié et c'est pour ça que nous, on a commencé par le volet financier, parce que pourquoi les fermes s'agrandissent aujourd'hui ? C'est parce qu'il faut d'une part avoir des surfaces de plus en plus grosses pour pouvoir en vivre, parce que on le sait, hein, les prix de l'alimentaire sont très contraints et on le voit avec l'inflation actuelle. Dès que les prix de l'alimentaire augmentent, ça fout quand même pas mal la pagaille dans l'économie et dans le pouvoir d'achat des gens. Donc voilà, c'est une vraie problématique, ce prix d'achat ou prix de vente des matières alimentaires qui font que il faut plus produire pour gagner sa vie pour un agriculteur. Et puis en face de ça, on a un prix des terres qui, au global, dans le monde, en Europe, mais aussi en France, ne fait qu'augmenter. Et donc les seuls qui sont capables de racheter des terres sont des agriculteurs installés, établis, qui ont déjà remboursé leur emprunt. Et donc, naturellement, il y a une surcapitalisation sur les exploitations agricoles et une concentration du capital agricole dans les mêmes mains. D'où cette augmentation de la surface moyenne. Et nous, effectivement, via notre action, on essaye un peu de contrecarrer ça, parce que on permet que des exploitations d'une taille viable, donc nous on estime entre 30-40 hectares minimum jusqu'à 100-150 hectares, puissent être pris par un ou des porteurs de projets et continuer une exploitation viable à long terme en agroécologie, et donc une agriculture qui est aussi beaucoup plus porteuse de main-d'œuvre quelque part. C'est-à-dire que c'est le gros intérêt, un des intérêts aussi de l'agroécologie. Tu le disais, il y a de moins en moins d'actifs agricoles. Et l'agroécologie permet de remettre aussi un peu plus d'actifs au niveau des exploitations et repeupler les campagnes. Donc c'est aussi un des enjeux du milieu agricole, c'est de le rendre plus attractif et de ramener des gens dans les fermes. C'est pas gagné, parce que il y a beaucoup de contraintes sur l'agricole. C'est effectivement un métier prenant, pas très rémunérateur, donc il faut avoir une sacrée conviction aujourd'hui, mais c'est juste indispensable. Enfin, si on fait pas ça, on va clairement dans le mur. La situation est déjà pas rose, mais ce sera bien pire. Oui, et d'autant que toi, tu utilisais le terme d'agroécologie. De temps en temps, c'est le terme de permaculture qui revient sur des modèles qui dépasseraient l'activité agricole actuelle, qui est bien caractérisée. D'ailleurs, on jouera un peu au-delà de ce terme tout à l'heure quand on sera en 2030 glorieuse, qui dit qu'une ferme est une exploitation avec souvent des monocultures qu'on voit bien quand moi qui sillonne la France en train, c'est, je trouve, visuellement assez marquant de voir à quel point aujourd'hui la France, elle est vraiment découpée case après case. Il y a besoin d'une ferme plus à taille du vivant, j'allais dire, et donc plus complexe, plus chaotique, plus bordélique, plus diversifiée. Et ça, c'est peut-être des tailles plus réduites, c'est beaucoup plus de main-d'œuvre aussi. Et donc ça demande un investissement humain et économique assez considérable en réalité. Ouais, humain et quelque part intellectuel. Alors il faut pas non plus, je voudrais pas qu'on aille dans la caricature. C'est pas le bordel, justement, une ferme très diversifiée. Bien au contraire. Oui, pardon, pour moi, le bordel, c'est un compliment, pardon. C'est chaotique dans le sens du vivant. En tout cas, c'est pas, comme tu le décrivais, le grand champ de 150 hectares avec pas un brin de maïs ou un brin de blé qui dépasse, hyper propre. Et non, c'est pas ça. L'agroécologie, c'est effectivement beaucoup de diversité, des plus petites parcelles, avec potentiellement des mélanges de cultures au sein d'une même parcelle, donc évidemment pas du tout le même aspect que ça pourrait avoir aujourd'hui en monoculture. Mais derrière, en termes de compétences techniques, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est une des grosses difficultés de ce modèle agroécologique. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Et les gens qui vont devoir appliquer doivent avoir un niveau de formation bien plus élevé qu'un agriculteur qui fait du monoculture de maïs et qui attend les préconisations de la coopérative pour faire ses traitements. Où là, en fait, c'est de simples exécutants. Là, on va basculer, on doit basculer dans un monde où l'agriculteur reprend la main sur son exploitation, sur la connaissance de son exploitation, sur la connaissance de ses cultures. Et c'est lui vraiment qui doit savoir exactement quand traiter en fonction de ses observations, de ce qui se passe chez son voisin. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus de complexité à traiter, donc beaucoup plus de formation, beaucoup plus de niveau de formation pour ces futurs repreneurs. Donc, ouais, tu le dis bien, voilà. tu vas dans le sens de ce que... Non, bien sûr, tu vas dans le sens de ce que disait Clément Doche, que j'ai interviewé, qui lui travaille pour Terre et Humanisme, voilà, et qui lui disait que, en fait, paysan, c'est le métier le plus compliqué du monde parce qu'il faut être cartographe, climatologue, comptable, il faut avoir des capacités en vente, exactement, sans compter toute la connaissance du vivant, de son tracteur, etc., etc., ou des animaux qui peuvent être utilisés sur la parcelle. Enfin, bref, c'est un métier qui est éminemment complexe et dans lequel, lui, il le disait comme ça, on s'ennuie jamais parce que toute sa vie, on continue à apprendre, on continue à avoir besoin d'humilité, d'entraide, et c'était les belles valeurs qu'il défendait et qu'il retransmettait dans l'épisode que je vous invite à redécouvrir. Et malheureusement, si vous l'avez pas connu, on ne le valorise pas à la hauteur, justement, exactement, des compétences demandées ou qui vont être demandées à ces agriculteurs. Exactement. Et donc souvent, on présente les enjeux de la transition agricole en présentant les problèmes, ce que je viens de faire, hein, je suis tombé dans le panneau, alors qu'en fait, c'est aussi plein d'opportunités. Donc, c'est l'opportunité parce qu'on pourrait revaloriser ces métiers qui sont ô combien essentiels, des métiers qui, c'est vrai, pour l'instant sont pas très bien rémunérés, pour pas dire même carrément mal rémunérés, mais qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs de plein de choses. Et puis en plus, au niveau plus macro, ça a un vrai intérêt pour notre souveraineté alimentaire, pour la captation du carbone, pour la régénération de la biodiversité. Est-ce que tu peux me parler rapidement de ces différents éléments que toi tu essayes de défendre, j'imagine, au quotidien? Oui, on essaye de... Alors, c'est un peu... qu'est-ce qu'on met derrière l'agroécologie? C'est vrai que c'est aujourd'hui un concept peut-être un petit peu fourre-tout, mais en gros, l'agroécologie, c'est comment on utilise ce qu'offre la nature et les processus naturels pour faire de l'agriculture. Donc, on essaye de minimiser au maximum les intrants. Nous-mêmes, on a... Alors, les intrants, c'est ce qu'on rajoute, hein, dans les champs, hein, des pesticides, des engrais et autres. Nous, on a même une approche assez radicale qui est de promouvoir le bio, c'est-à-dire que pas d'intrants de synthèse. Mais bon, je peux comprendre aussi que voilà, certains sont un peu frileux pour aller jusque-là. En tout cas, nous, c'est notre position. Donc, pas d'intrants. Et la maximisation des processus naturels, en particulier au niveau des sols. Donc, comment on fait pour restaurer une vraie fertilité dans les sols? Par exemple, encore en faisant de la biodiversité, en ayant des assolements avec beaucoup plus de légumineuses, en faisant du semi-direct, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller vers le non-labour pour pas perturber la vie du sol, et en particulier vers de terre, champignons et autres, qui ont un vrai intérêt pour cette fertilité. Comment on couple de la culture annuelle avec de la culture pérenne, par exemple avec de l'agroforesterie. Enfin voilà, tous les processus qui font qu'on va utiliser la nature pour avoir une production importante quand même, hein, d'alimentation, parce que c'est quand même le but de l'agriculture, mais en évitant de perturber la nature, l'eau, les sols. Donc, c'est un peu ça qu'on met derrière. Et donc, effectivement, dès qu'on parle d'agroécologie, on va évidemment s'intéresser aux enjeux de stockage carbone, parce que la fertilité est aussi liée au stockage de matière organique, donc de carbone dans les sols. On va parler d'eau, parce que si on préserve les sols, on préserve aussi la ressource en eau. On va parler biodiversité, parce que quand on a des fermes beaucoup plus diversifiées, lorsqu'on a des cultures pérennes, donc je parlais d'agroforesterie, de haies, de vergers, sur une exploitation qui faisait que de la grande culture, on va ramener de la biodiversité sur la ferme. Donc voilà, en fait, c'est tout un ensemble d'actions qui vont en fait quasiment toutes dans le même sens, qui est l'amélioration de notre environnement et des conditions environnementales au niveau de l'exploitation. Et donc, si on multiplie ça à l'échelle d'un pays, eh ben on espère qu'on va aller vers du mieux pour l'ensemble de la population. Ouais, c'est pour ça que je suis très content, Simon, de te donner la parole, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais fait beaucoup le travail d'éclairer à quel point on avait du pouvoir, nous les citoyens, dans l'utilisation de notre argent. Le revirement des flux financiers qui étaient sous notre contrôle, notamment par soit le choix d'une autre banque, soit le choix de projets comme votre foncière solidaire, mais pas que, il y a des projets aussi d'épargne qui permettent de développer l'énergie renouvelable citoyenne, etc., etc. Et à quel point finalement ça dépassait un peu ce simple le renoncement citoyen de la sobriété heureuse qui est très nécessaire parce que elle nous permet d'ancrer ce changement dans le quotidien, mais qui à mon sens est complètement dépassé par la hauteur des enjeux. Donc le fait de reprendre cet argent là qui malheureusement en général est utilisé par les banques pour continuer à financer les projets mortifères, pour le mettre au service d'organisations comme la vôtre, je trouve que c'est un vrai levier d'action qui est malheureusement trop souvent peu connu. Donc ça, tu permets de l'illustrer, merci. D'autant que je parle d'hauteur des enjeux assez incommensurable, et vous avez décidé de pas seulement vous limiter à l'achat de terres, à l'acquisition et à la transmission de terres. Vous avez tout un accompagnement. Hein. J'ai vu que vous aviez une plateforme digitale, que vous aviez du contenu pour aider en fait à faciliter tout le parcours d'accomplissement de son projet, la manière la plus efficace, la plus sereine possible. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? Oui, tout à fait. Effectivement, le point d'entrée était le financement des fermes parce que voilà, on s'est dit que c'était le plus gros frein qu'il fallait lever vite pour permettre des installations rapides, parce que nous, on est une boîte à impact. Enfin, c'est comme ça qu'on se veut. C'est-à-dire, on veut pas juste faire un ou deux exemples à droite à gauche. On veut vraiment accélérer cette transition et donc avoir l'impact. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé par le financement. Mais comme tu le dis, c'est pas la seule problématique. Et donc, on a développé Lagrange. Donc, il y a une plateforme qui va faciliter tout le parcours d'installation, parce que le financement de la ferme, c'est que l'aboutissement du processus, enfin, ou une étape du processus. En fait, il commence beaucoup plus tôt, dès l'émergence d'une idée ou d'une envie de s'installer en agriculture. Mais entre le moment où on a cette idée et le moment où effectivement on est à même de reprendre une exploitation, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'acteurs à impliquer. Et donc, voilà, on se propose avec Lagrange de faciliter tout ce chemin, tout ce parcours jusqu'à l'acquisition d'une ferme et même, pourquoi pas, post-installation pour accompagner les porteurs de projets à développer effectivement sur le terrain leurs pratiques qui vont permettre d'aller vers toujours plus d'agroécologie. Et alors, en quelques mots, hein, mais un parcours d'installation, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Surtout si on n'est pas issu du milieu agricole au départ, ce qui est de plus en plus le cas. Eh ben, il faut d'abord se confronter un peu au milieu, il faut se former, il faut pratiquer sur des fermes, en stage, en emploi agricole. Enfin voilà, il faut vraiment se confronter au milieu, et puis il faut monter son projet, trouver une ferme, financer, donc avec FEV ou autre. Hein. Donc voilà, c'est un parcours long, semé quand même de pas mal d'embûches. Surtout que le milieu agricole, enfin voilà, on va pas se le cacher, quand même tourne un peu sur lui-même malheureusement aujourd'hui. Donc ça s'améliore, mais il a du mal à accueillir, à accompagner facilement des gens qui sont pas issus de ce milieu-là et qui ont pourtant beaucoup de choses à apporter. Donc voilà, il faut qu'on arrive à l'ouvrir, à le rendre plus accueillant et plus sexy pour tous ces gens qui ont cette envie en fait au départ On parlera, Simon, de tous ces succès que vous aviez déjà commencé à semer, initier à l'époque en 2023, depuis les 2030 glorieuses. On parlera de comment l'agriculture est devenue sexy, comme tu le dis. Avant ça, on va marquer une petite pause, une petite respiration qu'on fait à chaque épisode. On va voyager vers les utopies réalistes, donc ça va être un grand voyage. On va avoir besoin d'énergie, on va avoir besoin de force, de conviction, j'allais dire. Et donc, à chaque fois, l'invité vient avec un cadeau, une respiration qu'il nous propose à travers une parenthèse qu'il a dénichée dans une de ses lectures. Je suis persuadé, moi, que dans la littérature, notamment, il y a déjà tout un tas de pistes qui montrent à quoi pourraient ressembler les mondes de demain et parfois qui existent et qui sont là dans nos étagères depuis des décennies et des décennies. Est-ce que toi, tu peux nous partager une utopie qui résonne particulièrement en toi et si oui, laquelle tu nous apportes aujourd'hui? Alors, je vais vous lire un petit passage qui n'est pas vraiment une utopie, alors qui prend un peu le sujet à contre-pied, mais je vais dire, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'agroécologie, on peut malheureusement assez vite basculer dans le pessimisme, parce que les problématiques auxquelles on fait face sont considérables, sont énormes. Et donc, voilà, j'ai lu un bouquin qui m'a fait plaisir parce que j'avais, voilà, j'avais lu pas mal de choses sur la collapso et c'est vrai que ça résonne tout de suite très facilement et beaucoup. Et donc, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'effondrement, entre parenthèses, du monde n'aura, entre parenthèses, probablement pas lieu, d'Antoine Bueno. Et voilà, et ce passage essaye d'être un peu positif et de dire que, bah voilà, il n'y a pas que des problèmes. Les problèmes sont là, certes, il va falloir les affronter, mais qu'il y a quand même des solutions et qu'il faut, voilà, qu'il faut rester positif et agir. Se croit immortelle et pourtant chacune finit en ruine. Pourquoi la nôtre ferait-elle exception ? L'incertitude concernant l'avenir est de nature écologique. Notre activité n'est pas durable. Car il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. La punchline du rapport Meadows relève du bon sens. Elle est irréfutable. Elle est d'ailleurs attestée par le modèle informatique World 3. Comment battre ou faire mentir un ordinateur ? Et chaque rapport du GIEC vient nous rappeler que tout doit changer de toute urgence si nous voulons éviter les catastrophes. Soyons honnêtes, ces arguments sont si forts et si convaincants que s'y confronter n'est pas psychologiquement de tout repos, et c'est un euphémisme. Comme ne cessent de le répéter les collapsologues eux-mêmes, un voyage de bonne foi en collapsologie n'est jamais neutre, on ne revient pas indemne d'une expérience de pensée qui vous confronte à la fin de tout ce que vous avez connu, et vous impose d'abandonner tout espoir de progrès matériel. Aussi, l'écriture du présent livre a-t-elle été une épreuve morale et intellectuelle, plus précisément une expérience de montagne russe ou d'ascenseur émotionnel, pour reprendre une expression à la mode. Je ne peux compter le nombre de fois où je me suis arrêté pour me dire, et annoncer à mes proches catastrophés, ils ont raison, tout va s'effondrer. Puis découvrir que les choses n'étaient pas forcément si sombres, et ainsi de suite. J'étais tout à tour convaincu de l'inéluctabilité du collapse, et de son contraire. Comment s'en sortir ? En grattant le vernis de l'évidence. Vu d'assez loin, comme le présente Comment tout peut s'effondrer, le collapse est un tableau d'une grande cohérence. Mais dès que l'on y regarde de plus près, se font jour des raccords, des repentirs, des juxtapositions. Laissons de côté la métaphore picturale. Dès que l'on commence à creuser chacune des grandes questions osées par l'hypothèse du collapse, celle de la complexité, de l'épuisement des ressources et de la pollution, on trouve des raisons de se rassurer, donc de douter de son inéluctabilité. On dit que le diable se cache dans les détails. En collapsologie, c'est l'espoir qui s'y niche. La collapsologie opère une simplification du monde pour parvenir à ses conclusions. Heureusement, les choses ne sont pas si simples. La complexité du réel donne des raisons d'espérer. Le présent livre ne se veut pas une contradiction des théories de l'effondrement, mais bien plutôt un contrepoint, c'est-à-dire qu'il entend rouvrir les éventualités optimistes que la collapsologie semble d'emblée fermer. Sans non plus sombrer dans le déni du principe, chacun l'aura compris dans l'intitulé de ce livre, tout est dans le probablement. C'est lui que nous explorons, cela pour nous restituer notre capacité d'action, car si l'avenir n'est pas tout tracé, il nous appartient encore d'en orienter la direction. Passage et pour moi qui dit beaucoup sur ma position et notre position, je pense chez Fèvre, hein, sur le fait que tout est compliqué, le pire est devant nous, mais qu'on peut agir pour que le pire soit moins pire que ce qu'on l'anticipe potentiellement. Ouais, tu mentionnes le travail des époux Meadows hein, dans leur livre de 72, si je dis pas de bêtises, le rapport avec qui a été remis à jour et qui montrait que le modèle World 3 était malheureusement tout à fait d'actualité, hein, malgré les faibles capacités de calcul des ordinateurs de l'époque. En réalité, on est carrément dans les clous. En plus, malheureusement, des modèles les moins optimistes. Tu parles de ça et moi, ça me fait penser à un texte que j'ai découvert assez récemment. de Donella Meadows, qui est donc l'épouse Meadows, qui elle ensuite avait fait pas mal de conférences pour raconter ce qu'on pouvait faire pour justement inverser les tendances. Et elle a notamment une conférence que je trouve absolument fascinante, passionnante même, qui date de 94, et ça s'intitule « Imaginer un monde soutenable ». Et la première phrase, c'est celle-ci: « La vision est l'étape la plus importante du processus politique. Si nous ne savons pas où nous voulons aller, il importe peu que nous fassions de grands progrès. » Et c'est pour ça, je trouve, que c'est aussi nécessaire de faire l'exercice de voyager en 2030 glorieuse, parce que justement, ça nous entraîne à la vision, ça nous entraîne à la vision d'un monde meilleur, et ça nous permet au jour et au jour, presque au jour le jour, de mieux déterminer où nous voulons aller. Et donc, effectivement, la situation va être changeante, elle va être mise à jour, parfois pour le meilleur, sans doute souvent pour le pire, mais en s'entraînant à la vision, on pourra tout le temps conserver, à mon avis, cette capacité à regarder au-delà, et cette capacité, elle est forcément imbriquée avec notre impression d'optimisme ou de pessimisme, je pense. Et donc, c'est pour ça que je suis content de te faire voyager en 2030 glorieuse, Simon. Les 2030 glorieuses, tu l'as compris, hein, c'est un monde où on a réussi, et donc on va décider, nous, ensemble, ce qu'on a réussi au gré de notre conversation. On n'a pas tout réussi, tout n'est pas merveilleux, on n'a pas eu une baguette magique qui a permis de tout changer pour le meilleur. Par contre, on sait que les énergies vont dans le bon sens, on sait qu'on a pris à bras le corps les urgences, qu'on s'est mis enfin à leur hauteur avec ambition. On a encore beaucoup de travail, hein, parce que c'est des décennies et des décennies de chantier, si je peux le dire comme ça, qui s'offrent à nous. Et à la fois, on se serre les coudes, on se regarde droit dans les yeux, et le matin, en nous rasant ou en nous brossant les dents, peu importe, on ose affronter notre regard avec conviction, avec indulgence, avec empathie, avec la conviction d'être au bon endroit au bon moment. Et donc, ça y est, nous sommes nous en 2030 glorieuse, Simon. Les gens qui nous écoutent, elles sont restées malheureusement coincées en 2023, à l'époque de la sortie de cet épisode. Et donc, elles vont avoir besoin qu'on décrive, qu'on colore au mieux les 2030 glorieuses, parce que bah, justement, hein, c'est des choses qui sont seulement dans notre tête, et c'est un jeu de l'esprit. Et donc, ma première question pour toi, Simon, c'est: nous sommes en 2030 glorieuses, nous parlons au présent des 2030 glorieuses. L'agriculture, elle a été complètement chamboulée à l'époque. Déjà avec Fèvre, en 2023, vous semiez des graines. Est-ce que tu peux me raconter l'évolution des belles histoires d'installation que tu accompagnais, que tu initiais déjà il y a une dizaine d'années en arrière? Oui, bah la plupart des installations qu'on a accompagnées sont aujourd'hui des belles plantes. Alors effectivement, les projets d'installation et l'agroécologie, ça se construit sur un temps relativement long, mais au bout de 7 ans maintenant, on a pas mal de recul, et donc ce qu'on a semé en 2022-2023, aujourd'hui a bien grandi, bien poussé, et donc on peut constater que ça fonctionne, et que ça fonctionne même très bien. Donc ce qu'on anticipait sur les sols, la restauration de la fertilité et même des rendements répondent présents. L'impact climatique et en particulier sur la ressource en eau est évident, c'est-à-dire que ce sont des exploitations qui ont maintenant des rendements significatifs, sont beaucoup moins consommatrices et beaucoup moins dépendantes de la ressource en eau, et ce sont des exploitations qui délivrent des services connexes à la population. Très important, en particulier en matière de biodiversité, c'est aussi, enfin on le constate, sur ces exploitations, la biodiversité est de retour, et de très nombreuses espèces qu'on croyait disparues en voie d'extinction sont revenues sur les zones sur lesquelles on a déployé beaucoup de fermes agroécologiques. Donc je dirais que le bilan est très positif. Maintenant, 80% des installations se font selon des pratiques agroécologiques. Alors, il restera, je pense, assez longtemps, des zones de très grandes cultures avec des très grosses exploitations où réintroduire des est toujours très compliqué. De toute façon, on n'a pas la main sur le foncier pour le faire. Donc voilà, dans le bassin parisien, le Nord, je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire cette transition dans ces zones-là. Mais sur 70% du territoire, la transition est très bien initiée. Et plein d'impacts extrêmement positifs. Et dans l'imaginaire, on a vraiment changé notre perception de voir la ferme. À l'époque, on appelait ça l'exploitation, hein, d'ailleurs, et ça donnait tout de suite ces images, comme tu le dis, hein, de champs qui s'étendent à perte de vue avec toujours la même couleur de ce qu'on est en train d'y faire pousser parce que c'est une monoculture. Là aujourd'hui, en 2030 Glorieuse, on parle de ferme et tout de suite on a une idée qui se rapproche complètement de vous, des installations que vous défendiez déjà une dizaine d'années en arrière. C'est quoi un peu le portrait robot de ces installations, de ces fermes? Aujourd'hui, le paysage agricole, il ressemble plutôt à quoi? Eh ben, il ressemble plutôt à ce qu'on pouvait voir un peu dans le temps, c'est-à-dire que je dirais que l'image d'Épinal de la ferme, c'était la petite ferme bocagère avec des vaches dans les champs. Eh ben, on revient à ça en fait. Les vaches avaient disparu des champs parce qu'elles étaient, enfin, les animaux de manière générale, hein, ils étaient en bâtiment. Aujourd'hui, fini l'agriculture intensive et les animaux claustrés dans des bâtiments pour augmenter les rendements. On a remis les animaux dans les pâtures et puis on a remis des autour des champs. Et donc, on est revenu à un peu cette image d'Épinal, mais qui au final vraiment de l'agroécologie. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, on n'a plus non plus ces grands champs à perte de vue avec une seule culture. Mais maintenant, on a des patchworks avec l'association de plusieurs variétés. Donc, quelque chose qui se rapproche un peu de ce qu'on pourrait penser d'une prairie totalement naturelle, alors que c'est des champs cultivés. Donc je dirais que l'impact visuel est évident pour tout un chacun, et en particulier pour les agriculteurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus honte. Un agriculteur n'a plus honte d'avoir un champ qui semble un peu chaotique, parce qu'il sait très bien que c'est en fait extrêmement vertueux et que c'est comme ça qu'il aura à la fois des rendements élevés et un impact positif sur les sols et l'environnement de manière générale. Agriculteurs et agricultrices hein, aussi, on voit beaucoup plus de femmes hein, dans les fermes, dans les champs et dans les bottes, j'allais dire, parce que derrière les combinaisons, derrière les tuniques, il y a quelques années en arrière, c'est vrai qu'on y voyait souvent des crânes dégarnis et des moustaches. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche aussi de l'agriculture qui soit plus inclusive, donc de personnes qui n'héritent pas de fermes, mais aussi d'hommes et de femmes, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir réussi à féminiser ce milieu-là ? Tout à fait. Alors, il ne faut quand même pas s'y tromper, le milieu agricole a toujours été très féminin, mais comme souvent, les femmes étaient reléguées à des tâches... pas dire moins importante, mais en tout cas moins visible. C'est souvent les femmes qui géraient les comptes, par exemple, pouvaient gérer la partie commerciale. Enfin voilà, elles n'étaient pas au premier plan. Et donc, on a effectivement l'impression que l'agriculteur est un homme d'une cinquantaine d'années. Mais en fait, en termes de temps passé à gérer des exploitations, les femmes sont très présentes. Ce qui doit changer et a changé en 7 ans, c'est que maintenant, on est quasiment à parité sur le nombre d'installations. Il y a autant de femmes qui s'installent que d'hommes qui s'installent en tant que chef d'exploitation, donc responsable d'une exploitation. Et c'est extrêmement positif parce que c'est aussi un rapport un peu différent à la nature, aux hommes, à l'interaction entre les différents agriculteurs et leur entourage. Enfin voilà, ça apporte vraiment un vent de fraîcheur. Et c'est une autre approche de l'agriculture où on est plus à l'écoute, sans doute. On a moins d'objectifs de productivité. On ne cherche pas à avoir un point de rendement de plus que le voisin, mais on sera peut-être un peu plus dans la collaboration, l'écoute, le travail à plusieurs. Et c'est ce dont a besoin l'agriculture. Ouais, tu te souviens, Simon, 2028, hein, de mémoire, là, cette grande convention citoyenne pour les valeurs qui a fait le travail justement de mieux redistribuer les valeurs financières, on les entend, économiques forcément, de remettre aussi à jour certains salaires, notamment des personnes qui étaient complètement dévalorisées financièrement alors qu'elles étaient des maillons essentiels de notre société. Alors, on pense aux premiers de corvée de l'époque, peut-être que ça semble loin, mais on pense aussi à toutes les personnes qui assurent notre éducation, qui assurent notre culture et qui assurent forcément notre alimentation. Donc forcément, le temps où on disait qu'un agriculteur sur 3 gagnait moins de 300 euros semble bien loin. Mais c'était aussi des valeurs dans le sens de valoriser valorisation du travail et de la symbolique. Hein. Il y a presque eu un travail philosophique qui a été fait de redonner les lettres de noblesse au travail d'agriculteur. Est-ce que tu peux me dire un peu où on en est de cette réflexion et quels sont les nouveaux termes qui sont utilisés? J'imagine qu'aujourd'hui, comme je le disais, hein, le terme d'exploitation est carrément banni, désuet. On parle de quoi maintenant? De zone de partenariat? On parle de zone de diplomatie avec le vivant? À quoi ça ressemble, dis-moi? Non, on parle même tout simplement de ferme. Effectivement, on n'est plus là pour exploiter le vivant, mais c'est le vivant qui soutient la production. Et donc, on parle de ferme, tout simplement, de ferme et de paysan. Le mot paysan en particulier, qui était très galvaudé, et qui, ouais, il y a 10 ans, faisait encore un peu plouc ou pecno. Maintenant, voilà, un paysan, c'est quelqu'un qui entretient à la fois les paysages et qui produit pour son entourage de l'alimentation. Donc ça, effectivement, dans l'image qu'on a de l'agriculture, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et après, la revalorisation, on va dire, un peu du métier, je pense qu'un gros changement a été aussi le fait qu'on a pu prouver qu'on pouvait produire sur ces fermes suffisamment pour alimenter toutes les populations environnantes. Et du coup, le bio, l'agroécologie, enfin toutes ces productions saines, au final, ne sont pas beaucoup plus chères que des productions beaucoup moins vertueuses. Et donc, les paysans qui se sont lancés dans ce type d'agriculture sont largement aussi bien, enfin ont des revenus largement aussi importants que les agriculteurs plus conventionnels, voire même beaucoup plus élevés. Ah bah meilleurs même, Simon, parce que tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, vu qu'on mesure les services écosystémiques, les subventions, elles vont pour les personnes qui ont un impact positif sur le vivant. Et donc là, en l'occurrence, ouais, bien sûr, mais alors même au-delà des subventions, tout simplement parce que bah, ils ont moins d'achats à faire pour eux mettre pas d'engrais et autres, et donc leur revenu au final, même si leurs chefs d'affaires peuvent être à peu près comparables, ils ont beaucoup moins de charges que les autres. Et effectivement, si tu rajoutes en plus les primes environnementales sur effectivement l'eau, le stockage du carbone, la biodiversité, ils s'en sortent beaucoup mieux. Et voilà, les faits sont là. 80% des agriculteurs maintenant ne peuvent pas imaginer reprendre une ferme sans faire de l'agroécologie. Et c'est ça aussi qui a participé, je pense, à redonner un peu cette fierté du d'être paysan, parce que finalement, là où on assistait vraiment à un asservissement hein, presque de ce milieu agricole qui était rendu hyper dépendant, aujourd'hui, on a une souveraineté alimentaire. Donc, comme on l'entend sur le territoire où on a réussi à faire en sorte que l'essentiel de notre alimentation pour nous, Françaises et Français, vienne d'une ceinture agroécologique à côté de chez nous, mais aussi parce que nos paysans, ils sont plus dépendants de la grande compagnie, de la grosse subvention ou de la machine ou de l'intrant chimique. Ouais, et il y a aussi un effet un peu plus subtil, je dirais, c'est que les coopératives, effectivement, ont dû se réorganiser parce que l'attente de localisme a été quand même forte et l'agroécologie a pu y répondre. Et donc, maintenant que les paysans sont beaucoup plus en contact avec leur écosystème proche pour la vente de leurs produits, fait qu'ils sont beaucoup plus fiers de ce qu'ils produisent. Et naturellement, je pense que ça a infusé à la fois au niveau du monde agricole, mais aussi au niveau des citoyens, des consommateurs. Et ça a fortement contribué à rendre ce métier beaucoup plus attractif. Vous, Fèvre, en 2030 Glorieuse, vous continuez votre mission partout en France, tu disais même en Europe, hein, parce que le milieu agricole, il est forcément très lié à ce qui se passe au niveau européen, à l'échelle européenne. Est-ce que vous avez passé des alliances avec les préfectures? Est-ce que vous avez des sessions permanentes au Parlement européen? Qu'est-ce que vous faites maintenant avec Fèvre pour continuer à peser dans l'installation de plus en plus de fermiers en agroécologie? Alors, on n'a jamais été une structure politique et on se refuse toujours à être une structure politique, même si évidemment on essaye d'influencer via la participation dans des réseaux d'influence. Mais voilà, on n'a pas d'action directement à ce niveau-là. Par contre, oui, on a développé des partenariats au niveau européen pour déployer notre modèle, alors avec des forts ajustements en fonction des pays, hein, parce que tous les pays n'ont pas du tout le même contexte, en particulier en termes d'installation et de foncier. Mais voilà, on a essaimé au travers de l'Europe et aujourd'hui, on est présent sur une dizaine de pays au travers de l'Europe pour faciliter ces installations et l'agroécologie. Maintenant, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on a, voilà, la dynamique a pris et que notre action est beaucoup moins aujourd'hui sur le financement des fermes que sur l'accompagnement de ces installations pour être toujours à la pointe des techniques agroécologiques qui vont permettre d'avoir voilà, un impact fort à la fois sur le comment on produit et sur la qualité de ce qu'on produit, mais aussi sur le revenu des paysans. Ouais, j'ai entendu dire que vous étiez récemment audité, interviewé par d'autres nations, hein, qui malheureusement sont arrivées, elles, aux limites du modèle de l'époque, de la monoculture, des champs à perte de vue. Et donc, c'est les États-Unis qui vous ont contacté récemment, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas bientôt le Brésil, l'Argentine, qui elle aussi essaie de se rapprocher du modèle européen qui maintenant fait la preuve qu'il est le plus vertueux. Oui, alors on en est au stade des échanges de bonnes pratiques. Ils veulent déjà comprendre comment, compte tenu, eux, du contexte de marché qu'ils ont aujourd'hui et des structures d'exploitation, comment ils peuvent effectivement aller vers un modèle européen qui pour eux, enfin, ils l'ont toujours dit, se rapproche plus du jardinage, mais ils se rendent compte que en termes de viabilité, de durabilité, il n'y a plus photo. Leur modèle est à bout de souffle et donc il faut qu'ils se réinventent, il faut qu'ils le fassent vite. Malheureusement, ils ont 10 ans de retard maintenant sur ce sujet. Ils n'ont pas du tout suivi les mêmes voies en termes de machinisme agricole, par exemple. Et d'intelligence artificielle et de robotisation. Exactement. Et du coup, c'est une vraie opportunité pour l'Europe, hein, qui a développé tous ces outils-là pour préempter ces marchés, tout bonnement. Donc, on sent qu'on a aussi beaucoup de soutien de l'Union européenne en cette matière, parce qu'on sent qu'on a une vraie carte à jouer. Donc, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, le lien est maintenant établi et que les discussions ont lieu. Toi, Simon, en 2030 Glorieuse, tu fais quoi exactement ? Maintenant, j'ai pris un peu de recul par rapport à FEV. Évidemment, je suis toujours au board, mais je suis plus dans l'opérationnel. Maintenant, j'ai plus des réflexions voilà, au niveau stratégique et plus à l'échelle européenne pour voir comment on coordonne les actions au niveau des différents pays. Et un fort axe de travail sur l'agroécologie de demain, parce que je pense qu'on a voilà on a atteint un certain palier sur certains cadres, donc voir comment on peut aller encore plus loin, puisque on sait qu'on a quand même pas résolu tous les problèmes, en particulier sur le stockage du carbone. Hein. On n'est pas aujourd'hui toujours pas au niveau de ce qu'on avait défini pour l'objectif 2050. Donc, il nous reste 20 ans. Donc, voilà, un de mes gros axes de travail aujourd'hui, c'est réfléchir comment l'agriculture peut aller encore plus loin dans son apport sur le stockage du carbone ou en tout cas la limitation des productions des émissions de CO2 de l'agriculture qui reste quand même aujourd'hui toujours assez significative. Donc, voilà, c'est un de mes gros sujets actuels, un peu plus de prospective, on va dire, que de très opérationnel. On est bientôt de retour là en 2023 et pour les personnes qui nous écoutent et qui se sont dit bon allez là on attend quoi, on y va au boulot et qui ont envie elles d'être beaucoup plus proactives dans l'émergence de ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble, qu'est-ce que tu leur recommanderais de très concret, de pas supplémentaire pour les faire advenir ces 2030 glorieuses, par quoi on continue? Bah, c'est déjà de l'implication effectivement à l'échelle individuelle. Malheureusement notre impact ne peut être que très limité, on a vraiment pas tous les leviers. Par contre, en collectif, c'est là qu'on peut faire beaucoup, à la fois au sein d'associations, en finançant voilà, des actions comme celle de FEV ou autres, qui ont des actions plus collectives, mais je dirais au sein de son entreprise, enfin, on sous-estime, je pense, beaucoup le rôle ou le poids des salariés dans l'accélération de la transition du monde de l'entreprise. Là, je lisais un post là, récemment de Jean Covici sur les différentes actions au niveau des entreprises et en particulier via la fresque du climat que tu dois très, très bien connaître. Et on se rend compte que dans les entreprises dans lesquelles ces fresques du climat sont déployées, change fortement parce que tout le monde commence à pouvoir parler de cette thématique de changement climatique et de comment on y répond au sein de l'entreprise avec un peu le même vocabulaire, les mêmes images. Et donc, voilà, j'encouragerais tout le monde à essayer de pousser ces thématiques de transition au sein de leur propre entreprise, que ce soit une entreprise de 10 personnes ou une multinationale, peu importe, mais essayer de faire infuser ces problématiques-là au sein de l'entreprise parce que, malgré tout, une grosse part de ce qu'on pourra faire dans les 10, 20, 30 ans à venir viendra du monde de l'entreprise. Et donc, si on a des réfractaires, ce sera beaucoup plus difficile que si on a des entreprises qui sont très ouvertes à ça et qui essayent d'aller dans le bon sens. Merci Simon. Mais de rien Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !